Savez-vous comment survivre au temps d'épreuves? Ces périodes de difficultés intenses où vous tentez d'expérimenter la présence de Dieu dans votre vie. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Comment devrions-nous réagir pendant les temps d'épreuve? Quand nous comprenons et mettons en pratique les principes des Écritures, nous pouvons faire face aux temps de difficultés en étant sereins et en faisant confiance à notre bon Père Céleste. Car Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour être laissés à nous-mêmes. Il est constamment à nos côtés, prêt à nous conseiller si nous le lui demandons. Rien ne nous oblige à sombrer dans le découragement quand l'épreuve survient. Et même si tout va bien aujourd'hui, nous pouvons nous préparer à faire face aux difficultés quand elles surgiront. Nous serons alors prêts à réagir adéquatement pour survivre. Dans cette émission, Charles Stanley nous enseignera comment survivre au temps d'épreuves. Je m'entretenais l'autre jour avec un jeune pasteur qui traversait une période difficile à son église. Pourtant, il prêchait l'Évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de gens accueillaient favorablement son message et étaient sauvés. Par conséquent, l'église grandissait en nombre. D'où venait alors le problème? Plusieurs membres de longue date voyaient leurs habitudes et leur tranquillité troublées par l'afflux de nouveaux convertis dans leur église, et ils se sentaient menacés. Le jeune ouvrier était donc découragé et abattu devant la tournure des événements, et il m'a confié au cours de la conversation. « Monsieur Stanley, je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir survivre à la situation. » Je l'ai rassuré en lui disant « Oui, vous le pourrez. » Il y a quelques mois, un couple est entré dans mon bureau. Ils m'ont confessé leur chagrin. Ils venaient de perdre leur jeune enfant. Au cours de la conversation, la mère m'a raconté qu'elle se sentait très déprimée. Elle avait peur de ne pouvoir survivre à cette douloureuse épreuve. Récemment, un homme d'affaires m'a appelé un soir et m'a déclaré qu'il considérait le suicide, car il était accablé par des ennuis financiers. C'est pourquoi il désirait prier avec moi. Il ne voyait pas d'issue à son problème, lui non plus. Il ne pouvait envisager de tout perdre. Ces trois situations illustrent le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Même si tout paraît sombre et sans avenue, parfois, il y a toujours un espoir. Pour discuter de la manière de survivre au temps d'épreuves, ouvrez votre Bible avec moi, si vous le voulez, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. Ce passage traite d'une période difficile de la vie d'un homme qui, en dépit de tout, a survécu. Dieu l'a utilisé, l'a honoré, l'a béni, et aujourd'hui, plusieurs millénaires plus tard, il nous sert encore d'exemple. Lisons Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. L'erreur souvent commise lorsque nous lisons le compte-rendu de la vie des grands personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament est de considérer ces hommes et ces femmes comme des gens extraordinaires, hors du commun et dotés d'un pouvoir surnaturel. Nous ne pensons pas qu'ils étaient des gens comme vous et moi. Nous croyons à tort qu'ils étaient revêtus d'une aura surnaturelle. Or, si cela avait été le cas, la leçon enseignée par le Seigneur tout au long de la Bible aurait échoué. Du début à la fin de la Bible, alors qu'il interagit avec ses hommes et ses femmes, Dieu nous indique clairement qu'il a affaire à des gens bien ordinaires, des gens comme vous et moi. La seule différence se situe au niveau d'un point qu'ils avaient tous en commun. Ils avaient découvert quelque chose d'accessible à tous, la foi en Dieu. Cela rendait leur vie extraordinaire. Eux-mêmes n'avaient rien d'exceptionnel, mais Dieu leur donnait la force de faire face aux événements. Quelques-uns d'entre nous possèdent, il est vrai, des attributs et des caractéristiques dont ils étaient dépourvus. Et certains d'entre nous semblent plus doués et posséder plus de talent qu'eux. Cependant, il y avait une caractéristique, un dénominateur commun qui reliait la vie de ces hommes et de ces femmes et qui a rendu exceptionnelles leurs œuvres et la vie qu'ils menaient, leur foi. Or, quand nous pensons au temps difficile de la vie, et particulièrement au temps difficile de notre vie, nous pouvons tous regarder en arrière et nous dire « Oui, j'ai vraiment passé de mauvais moments dans ma vie. » Nous subissons tous des épreuves à un moment donné de notre vie. Cela n'a rien de particulier. Ce qu'il y a de remarquable, néanmoins, c'est que les épreuves n'ont pas toutes le même effet sur les gens. Certaines personnes se laisseront détruire par les revers de fortune, tandis que d'autres seront en mesure de vaincre et de dominer leurs épreuves, quel qu'en soit le niveau de difficulté. Commençons par énoncer une évidence. Premièrement, les temps d'épreuve font partie de la vie. Personne n'y échappe. Nous aimerions pouvoir les éviter, mais c'est impossible. Examinons la vie de Moïse, par exemple. Nous pouvons remarquer deux choses. Nous sommes parfois les artisans de notre propre malheur. À l'inverse, en d'autres occasions, l'épreuve est le résultat de l'action de Dieu dans notre vie. Reprenons notre exemple de Moïse. Son enfance a été dorée. En effet, le fils adoptif de la fille de Pharaon avait accès aux plus grandes richesses, aux plus doux plaisirs et les occasions de péché ou même le prestige, la gloire et le pouvoir ne manquaient pas. Malgré toutes ces distractions, une pensée revenait sans cesse dans la tête de ce jeune garçon devenu homme. « Tu es hébreu. » Et il est venu un temps, comme le décrit la Bible, où cette pensée a mûri. Un jour, Moïse, devenu adulte, a pris la décision d'assumer son identité véritable. « Je ne veux plus être le fils de la fille de Pharaon. J'ai décidé d'être qui je suis vraiment, un fils d'hébreu et un homme parmi le peuple hébreu. » Quand on considère la vie de Moïse dans son ensemble, on peut facilement conclure que cette décision d'assumer son identité hébraïque était tout à fait conforme au plan de Dieu pour sa vie. Or, au lieu d'attendre le moment et la manière de Dieu, Moïse a décidé d'en faire à sa tête sous l'impulsion du moment. Il a alors commis une terrible erreur en voulant aller plus vite que Dieu. Il a agi comme nous le faisons souvent, sans sagesse. Et c'est là que les épreuves ont commencé. Quand, poussé par son orgueil et son arrogance, il a décidé d'en faire à sa tête et d'agir selon sa propre sagesse, il a tué un Égyptien qui brutalisait un Hébreu, puis, paniqué, il l'a enterré dans le sable. Il a ensuite pris la fuite, car Pharaon cherchait à le faire mourir en guise de représailles. Moïse a alors pris la direction du pays de Madian. Et c'est là que, pendant 40 longues années, privé de ses privilèges d'antan, il a gardé des moutons. Imaginez le contraste saisissant. 40 ans dans la maison de Pharaon à jouir des plaisirs du monde et maintenant 40 années dans le pays de Madian. Je le répète, Moïse lui-même était la cause de ses problèmes. Or, rien n'allait empêcher l'accomplissement ultime de la volonté de Dieu. Dieu allait délivrer le peuple d'Israël et faire de lui une nouvelle nation. Et Moïse allait jouer un rôle crucial dans l'exécution de ce plan, mais dans le temps et à la manière de Dieu. Dieu n'allait pas inaugurer la libération de son peuple par le meurtre d'un Égyptien. Nous pouvons tirer une importante leçon de tout cela. Lorsque nous faisons face à des temps de difficulté, c'est peut-être parce que nous avons tenté d'aller plus vite que Dieu et que nous lui avons désobéi. Nous pouvons nous tromper quand nos objectifs pour notre vie ne sont pas ceux de Dieu. Cependant, même quand nous voulons sincèrement accomplir sa volonté, nous pouvons commettre une erreur en voulant aller trop vite. Nous nous rendons alors la vie difficile en nous causant des difficultés inutiles. Et nous osons nous demander comment nous avons pu descendre aussi bas. Souvent, nous en sommes rendus là parce que nous avons désobéi à Dieu. Nous avons été sourds à ses appels et rebelles. Dans certains cas, donc, nous sommes les artisans de notre propre malheur. Et ces moments sont souvent les plus pénibles de notre vie, car alors nous sommes tentés de faire porter le blâme à quelqu'un d'autre. Or, en d'autres occasions, nous ne sommes pas la cause de nos problèmes. Deuxièmement, donc, il arrive que Dieu lui-même nous place dans des situations difficiles. En d'autres mots, nous sommes dans le pétrin parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous pouvons donc nous demander si, lorsque nous vivons un temps d'épreuve, c'est à cause d'une erreur que nous avons commise ou parce que Dieu nous a placés dans cette situation. Encore une fois, les épreuves sont inévitables, peu importe leur origine. Tôt ou tard, nous devons faire face à la musique. Or, la clé est de savoir comment réagir. Premièrement, donc, les coups durs sont inévitables, peu importe d'où ils viennent. Deuxièmement, soit ces circonstances difficiles nous développeront, soit elles nous détruiront. Tout se joue donc sur notre réaction aux circonstances. Nous choisissons de vivre l'épreuve de façon positive ou de façon négative. Quand nous considérons la vie de certains personnages de la Bible et quand nous étudions la manière dont ils ont répondu à leurs différentes épreuves, nous constatons que la plupart d'entre ces dernières auraient pu complètement détruire leur vie si cela n'avait été de Dieu. Dans des circonstances similaires, on est en droit de soupçonner que ces afflictions auraient abattu n'importe qui. C'est une réalité. Nous réagissons différemment aux circonstances. Par exemple, considérons deux personnes qui vivent une épreuve similaire. La première développera, édifiera et fortifiera son caractère pendant ce temps. Nous serons alors témoins de son courage et de sa détermination. L'autre, au contraire, s'écroulera sous un fardeau semblable. Pourquoi ce contraste devant une même situation? Quelle est la différence entre les deux personnes? Cette distinction s'explique par leur façon de réagir. J'ai le privilège de connaître personnellement des hommes et des femmes qui aiment sincèrement Dieu. Ils peuvent traverser les circonstances les plus difficiles, les plus déprimantes et les plus éprouvantes que l'on puisse imaginer avec une force et une détermination incroyables. Cette vigueur et cette robustesse dont ils font preuve démontrent leur confiance en Dieu. Les peines, les chagrins, les deuils, les critiques ou les persécutions peuvent s'accumuler. Ils continuent néanmoins à se démarquer. Pourtant, ces géants sanctifiés, courageux, déterminés et remplis de foi sont des gens bien ordinaires. Ces personnes, qui ne sont pas hors du commun, ont appris comment survivre autant d'épreuves. Troisièmement, on peut sortir vainqueur de toute situation critique, peu importe sa nature, quand on a compris comment on peut y survivre. Pour connaître ce secret, lisons le verset qui renferme la clé de la victoire. Il s'agit du verset 27 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'il, en parlant de Moïse, quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Maintenant, que signifie se montrer ferme? Cette expression veut dire être fort, tenir bon et rester debout, même sous la pression la plus écrasante. Quand tout semble s'écrouler, on trouve le moyen de tenir bon, sans fléchir ni reculer. Il existe un ingrédient à la détermination qui refuse la reddition, qui se détourne de la faiblesse, qui ne connaît pas la défaite, qui refuse d'abandonner et qui ne se détourne jamais de son but, la foi. La foi nous permet de rester ferme. Comment Moïse s'est-il montré ferme? Les situations conflictuelles qui l'oppressaient auraient eu raison de beaucoup d'autres personnes. Or, Moïse a vaincu le combat, car il savait que Dieu était à ses côtés. Il a tenu ferme devant l'adversité, car, selon la Bible, il voyait celui qui est invisible. Si vous deviez retenir seulement une petite partie de ce message, ce serait celle-ci. Le secret pour survivre au temps d'épreuves est d'apprendre à marcher en étant continuellement conscient de la présence de Dieu à vos côtés. Moïse a tenu bon, il est resté inébranlable. Il a tenu le coup, car il s'est accroché à son Dieu sans faiblir, ni fléchir, ni abandonner. Il ne s'est jamais avoué vaincu et il ne s'est pas enfui. Quand tout semblait noir et que les circonstances étaient insoutenables, il n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que Moïse marchait comme un homme ayant pleinement conscience de la présence du Dieu Tout-Puissant auprès de lui. Cela changeait complètement sa façon de voir la vie, de voir sa vie. À la fin de ses 40 ans dans le pays de Madian, il a entendu dans le buisson ardent une chose qu'il n'avait jamais pu oublier. Il a entendu la voix du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a entendu la voix de Yahweh. Il a entendu la voix d'un Dieu plus grandiose que toutes les idoles de l'Égypte. Il a entendu le seul vrai Dieu lui dire « Moïse, Moïse, je serai avec toi ». Et cela, il ne l'a jamais oublié. Si vous êtes devenu chrétien en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, avez-vous appris à marcher en étant sans cesse conscient de la présence de Dieu à vos côtés? Savez-vous qu'à chaque moment, un Dieu tout-puissant, souverain, aimant, sage et fidèle veille sur vous? Laissez-moi vous dire comment vous pouvez savoir si vous possédez cette conscience ou non. Si vous vivez des temps d'inquiétude, d'anxiété ou d'angoisse, si vous ressentez de la crainte ou que vous êtes accablé par les soucis, je dois vous dire que vous faites fausse route. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais atteindre ce stade, mais vous n'y êtes pas encore. Et par le fait même, vous vous privez d'un des grands avantages de la vie chrétienne. Car la vie éternelle ne commence pas au moment de la mort. Certaines de ses caractéristiques, j'entends ici une qualité de vie, sont accessibles dès le moment de votre conversion. Et quand nous avons appris à marcher en étant conscients de sa présence, qu'arrive-t-il? Nous pouvons nous concentrer sur ce fait. Nous marchons dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Si donc il est Tout-Puissant, rien n'est au-dessus ni au-delà de son contrôle. Il nous prendra dans ses bras. Il prendra soin de nous et aucune inquiétude, aucune angoisse, aucune crainte, aucun problème, aucune peine, aucun deuil ou aucune souffrance. En un mot, rien ne pourra jamais changer au fait que notre vie repose entre ses mains aimantes. En étant conscient de cela, nous nous épargnerons beaucoup de stress inutile. Moïse avait appris cette leçon. En étudiant son histoire, nous constatons qu'il a traversé de lourdes épreuves. Or, malgré tout, il avait foi en Dieu. Il était conscient de sa présence perpétuelle. C'est pourquoi il pouvait se tenir sur le bord de la mer Rouge, entendre le grondement des vagues, le grondement des chariots de l'armée égyptienne qui le poursuivait, ou le grondement de son propre peuple qui lui disait « Moïse, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous serons tous massacrés, nous et nos familles !» Sans paniquer, en fait, il m'arrive de penser que ce dernier grondement parvenait presque à couvrir les deux autres, tellement la clameur et les critiques du peuple devaient être virulentes et acerbes. Or, tranquillement, humblement, doucement, Moïse s'est tourné vers eux en leur disant « Soyez en paix et voyez ce que j'ai déjà vu. » C'est alors que tout le peuple d'Israël a été témoin d'une manifestation éclatante de la puissance de Dieu. La mer s'est séparée en deux pour les laisser passer et s'est refermée après leur passage, engloutissant les chars et les soldats égyptiens. Avant d'appeler « folie » le geste d'obéissance à Dieu d'une personne, assurez-vous d'avoir vu le même buisson ardent qu'elle. Pourquoi? Car sinon, vous pourriez être en train de critiquer Dieu. Je l'admets. Vous pourriez répondre « minute, parlons-en de ce buisson ardent. C'était facile pour Moïse de faire confiance à Dieu, après avoir vu un buisson brûler sans se consumer. » Lui, il a entendu Dieu parler, mais moi, je n'ai jamais vu de buisson ardent. Écoutez-moi très attentivement. Qu'est-ce que ce buisson avait de si particulier? Bien sûr, il ne se consumait pas, mais Dieu est capable de faire de bien plus grandes choses que de faire brûler un buisson sans le consumer. Le buisson ardent, comme tel, n'était pas important. Ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est le fait que Moïse a entendu Dieu parler. Le buisson n'était qu'un accessoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a parlé à Moïse en cette occasion. Regardons ce passage. Exode, chapitre 3, versets 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Moïse a d'abord vu une flamme de feu. Une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Voici la clé pour savoir comment survivre aux épreuves de la vie. Je le répéterai encore et encore, car vous ne devez pas l'oublier. Verset 4. L'Éternel vit qu'il, en parlant de Moïse, se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Qu'était le buisson ardent, en réalité ? Rien de plus qu'un accessoire dont Dieu s'est servi pour attirer l'attention de Moïse. Cet homme vivait dans le pays de Madian depuis 40 longues années. Dieu a attiré son attention avec ce buisson qui brûlait sans se consumer. Cependant, ne nous y trompons pas. L'important dans ces événements n'est pas tant le buisson que la parole de Dieu qui a été transmise à Moïse. Écoutez bien, le buisson ne servait qu'à attirer son attention. Dieu a-t-il déjà attiré votre attention d'une manière telle que vous saviez au même moment que vous étiez dans la glorieuse présence du Dieu Saint et qu'il vous disait quelque chose? Voilà votre buisson ardent. Avant de prétendre que vous n'avez jamais connu rien de tel, considérez ceci. La Bible rapporte que Moïse s'est éloigné de son troupeau pour aller voir de plus près ce curieux phénomène. Et c'est quand l'Éternel a constaté qu'il avait capté l'attention de Moïse qu'il l'a appelé et s'est révélé à lui dans le buisson. Il fallait que ce fait soit très surprenant pour que Moïse quitte son poste. En effet, s'il existe un trait de caractère propre à Moïse, c'est bien son sens des responsabilités. En lisant la Bible, on se rend compte qu'il n'avait rien d'un fainéant qui quitte son travail à la moindre excuse, sinon Dieu ne l'aurait pas choisi. Pourquoi vous dis-je cela? Savez-vous quel est souvent notre plus grand problème? Nous sommes tellement pressés et pris dans notre routine de vie, surchargés par notre horaire avec nos plans, nos attentes et nos ambitions personnelles, que Dieu pourrait nous allumer un buisson ardent en pleine figure, nous n'en continuerions pas moins sur notre lancée comme si rien ne s'était produit. Pourquoi? Parce que notre attention est détournée, ou alors parce que nous cherchons une explication rationnelle au phénomène. Relisons Exode, chapitre 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il, en parlant toujours de Moïse, se détournait pour voir. C'est à ce moment que Dieu s'est mis à lui parler. Vous savez pourquoi Dieu ne vous en a pas dit plus que ce qu'il vous a dit jusqu'à présent? Peut-être parce que vous ne vous êtes pas détourné pour l'écouter. Voulez-vous que je vous fasse part d'un exemple de buisson ardent que vous rencontrez dans votre vie? Dieu vous communique très clairement quelque chose au sujet des temps dans lesquels vous vivez et à la façon dont vous réagissez à cette atmosphère. Dieu essaie d'attirer votre attention pour que vous commenciez à vivre votre vie en étant constamment conscient, par la foi, de sa présence permanente et continuelle. Cette attitude vous permettra de lui obéir à lui, le Dieu vivant. Lorsque vous êtes assis, que vous avez le cœur ouvert, les oreilles attentives et que vous ouvrez la parole de Dieu. Que faites-vous? Vous vous détournez de la routine quotidienne, non pas pour écouter un prédicateur, mais pour entendre Dieu vous parler. Vous pouvez vivre des moments de difficulté intense et tout à coup, Dieu pousse vos limites à l'extrême. Vous êtes donc à bout. Vous ne pouvez plus vous appuyer sur quoi que ce soit, car vous n'avez plus rien. Or, en un éclair, vous ressentez la présence du Dieu Tout-Puissant. Il essaie de vous communiquer quelque chose. Quel que soit le genre de buisson ardent que Dieu place devant vous, l'important est de savoir s'il vient de lui ou non. S'il provient du Seigneur, considérez-le comme un signe que Dieu vous donne pour vous faire comprendre qu'il veut développer sa relation avec vous. La question est de savoir si vous êtes prêt à cesser de vous regarder le nombril et à vous retourner vers lui. La question est de savoir si vous n'êtes pas trop pressé pour écouter Dieu. Comment pouvez-vous survivre autant d'épreuves, de difficultés et de peines? C'est très simple. Apprenez à marcher en étant continuellement conscient de la présence d'un Dieu tout-puissant, souverain, aimant, fidèle et sage à chaque instant de votre vie. C'est la clé de la survie. C'est la clé pour vivre par la foi. C'est ainsi que Dieu veut nous voir marcher chaque jour, par la foi, en étant conscient de sa présence. Charles Stanley a terminé son message en nous rappelant cette vérité. En tant que chrétiens, nous devons marcher par la foi et non par ce qui nous paraît rationnel. Le défi à relever aujourd'hui est de ralentir suffisamment pour prendre conscience de la présence de Dieu dans chacune des situations de notre vie. Même si certaines situations se prêtent difficilement à cet exercice, nous n'avons qu'à être sensibles à sa main qui nous conduit. Si vous faites actuellement face à des temps difficiles, rappelez-vous que Dieu est tout près de vous et qu'il veut vous réconforter. Vous pourrez trouver un encouragement dans les paroles de l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.